faire entendre. Et ce en poussant, en dégueulant, seul en tous en dégueulant. Sur ce mode de vie, tout en l'espère entendre. Je fais preuve de fermeté, se vider, nous ratatine. Cette jura qui défaire le pays, c'est celle qui dé nous ratatine. Causer, à demi-mot, n'anéanti pas l'apparence, oser. Car j'apparente ça depuis mot, ma méhantise et je m'apitoie, certes. Cette tic pourrait pas m'affranchir, elle m'a quitté quoi le fait. C'est tu bourré de pas l'affranchir, insolent. Quand des pensées dans ses esprits étroits tournent, insensé quand ses cesses expriment les trois coups du déclin sonnant. Souvent tenté, je radote sur des textes toujours assommants. Tu détestes toujours l'assonance, mon rap tenté, je radote. Ma prosée, ma peur de perdre font bon ménage, me sens léger, me font faux bon, mais je lâche qui fait que peut s'enneiger. Mon cœur de pierre introverti, mais j'évite qui en démontrant que j'en bats. A traumaté notre ange d'en bas, on est victime d'un gros vertige. C'est à mon rap que la plupart de mes printemps se fout. Vu comment dos face à cette affaire, elle se fout. Derrière cette anorak qui camoufle chaque blé que j'affronte. Comme un grand garçon, je ricane douce, j'appelais, protège de vos regards sombres. C'est à mon rap que la plupart de mes printemps se fout. Vu que mon dos face à cette affaire, un temps se fout. Derrière cette anorak qui camoufle chaque blé que j'affronte. Comme un grand garçon, je ricane douce, j'appelais, protège de vos regards sombres. Nouveau créneau me disant, sans le kéno, je quitte pas le quai. Je mets le paquet pour pas me prendre des coups de patate sur le parquet. Tu te rends compte que tu pourris quand t'as plus rien, que ça fait un bail que t'as plus ri, que tu façonnes ta face à vos purins. Que tu y graves lentement ton dégoût profond. Vers la race humaine, sous le ciment, y'a la vie de couple au fond. Depuis les mises en parle, quand tu l'écris, y'a des ratures. Ton taf se fait dans la cabine, pas dans la mise en page. Quand diras-tu, j'aimerais encore qu'un immense torrent souffle. On se comprend si toi aussi le silence te rend sourd. Embaumé peu, liqueur attaque et faut que je rôde. Gros, c'est qu'on est deux, si t'as déjà tag et faut que the world. À peau, à force, on est toi, je remplis d'idées malsaines. Si on a tous une étoile, je suis très mal guidé par le ciel. Je ne suis qu'un mec style pris de ce marave. Je dois donner le meilleur pour m'extirper de ce marasme. C'est à mon rap que la plupart de mes printemps se fout. Vu que mon dos face à cette affaire, un temps se fout. Derrière cette anorak qui camoufle chaque blé que j'affronte comme un grand garçon. Je ricane douce, j'appelais, protège de vos regards sombres. C'est à mon rap que la plupart de mes printemps se fout. Vu que mon dos face à cette affaire, un temps se fout. Derrière cette anorak qui camoufle chaque blé que j'affronte comme un grand garçon. Je ricane douce, j'appelais, protège de vos regards sombres. Pas né pour obéir ni porter le treillis. Mon pays m'a trahi. Confiance porte, les traces de leur matraque. Belle chemise, la mort d'un jeune spet. Alors ils prennent quatre macaques. Et pour survivre, un consada fada. C'est soit tu baisses l'état, soit ils baissent ton cadavre. D'étape en étape, de paix je trouve pas d'avre. Arme de guerre dans le placard, c'est comme ça qu'on s'aime. Ceux qui se donnent des conseils sont traités de connards. Ici, j'hésite à mettre de l'argot dans ma poésie. Calvaire progressif, sur les nerfs agressifs. Juste un homme à la mer, sans repère, ressent les prières d'une mère vers le récif. Et si je me récite, quand je dis que je veux être libre, c'est que c'est mon seul principe. Donc rien à foutre, la vie du prince, c'est pute, c'est pas qu'en or. Du nord au sud, survie dans la galère et rap dans l'anonymat. Charbonne l'olive, man, manie le manique, c'est le canif. Pas besoin de manif, chaque jour qu'on vit est marginal. Y'a plus rien de magique, tragique comme ils agissent. Les pieds et les mains liés par le travail à la chaîne. Chienne, je veux qu'elle soit mienne et qu'elle recolle ma foi qui est en miettes. Cœur hanté, mais entier, l'école nous a planté. L'argent nous a tenté, plan B, le bis ou le chantier. Interdiction de mendier, j'aime trop voir la gueule du flic spanté. Quand t'as se vanté, c'est mort. Quand elle me cherchera, elle saura que c'est moi. Comme un rayon de lumière qui transperce le chaos. Regard lunaire que protège de la bulle. Comme cette brume brune à travers une forêt de rêves. Certes, le soleil de nos cœurs brûle sans trêve. Je suis le feu et toi la neige, je suis l'heure que tu expires. Vestige de nos désirs, statuette de cire. À quoi bon fuir la mort quand on a la furie de l'amour. Du haut de sa tour, notre ange voit tout. C'est à mon rap que la plupart de mes printemps se fout. Vu que mon dos face à cette affaire, un temps se fout. Derrière cette anorak qui camoufle chaque blé que j'affronte comme un grand garçon. Je ricane douce, j'appelais, protège de vos regards sombres. C'est à mon rap que la plupart de mes printemps se fout. Vu que mon dos face à cette affaire, un temps se fout. Derrière cette anorak qui camoufle chaque blé que j'affronte comme un grand garçon. Je ricane douce, j'appelais, protège de vos regards sombres.